Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Le dico du coro. Écoutez. Astérisque, astérisque, astérisque. Corona, l'adjectif désignant le dernier stade de régression du confinement. Covidro, accessoire de confinement. À 21h, je prends mon Covidro sans enthousiasme. Corona mur branche belge wallonne du coronavirus coronite, club, ce sont les longues soirées où tu bois en essayant de te rappeler ce qu'est la fête. Corocorido chanson mexicaine en hommage aux souches du virus les plus cruelles ou voir corocumbia. Corona affirmation déclaration parfaitement vraie un jour et complètement fausse le lendemain. Coronaïf mec qui pense que le confinement macroniste est à vocation exclusivement sanitaire. Corona IPAD décalogue moderne. Dieu prit son Corona IPAD et commanda chez Amazon. Corona nanotechnologie notre avenir, empire. Corona palme bombe fabriquée à partir de canettes de bière Corona. Corona P spécialité culinaire à déguster sur son canapé en pensant à autre chose. Choronal groupe de musique vocale répétant à tue-tête de balcon à balcon. Coronapoléon, autre nom pour Emmanuel Macronavirus. Coronarcissisme se trouvait si beau dans le miroir numérique de Skype. Coronarcose somnolence provoquée par l'accumulation d'infos répétitives en ligne. Coronarcotique substance prise afin de faire passer la période de Corona. Coronarcotrafiquant nom donné aux trafiquants de coronarcotiques. Coronarme, de contamination massive. Coronarateur, point de vue d'un roman de la rentrée littéraire 2022, Thème Confinements. Coronarvalo, N.M se dit d'un individu menaçant de tousser sur la foule. Un coronarvalo a pris la fuite après avoir éternué sur des policiers. Coronas en mauvais état, très fatigué. Coronastei, état de fatigue anormal, avant d'aller bosser face au virus. Coronas. Insulte sexiste coronasser pratique policière visant à nasser tout individu libre. Coronastico, N.M aidant à la décomposition des victimes. Coronatalité, 2021, résultante inattendue et joyeuse du confinement amoureux. Corona toutour mauvaise bière. Corona Dead Dry version ligeur du virus. Corona drive le virus sans sortir de voiture. Corona Dada faire du cheval avec son virus. Coronosé à la vue de toutes ces conneries, il infure pris d'une violente coronosée collective. Coronavigo, N.M abonnement de mobilité réduite. Des millions de Coronavigo tombèrent en désuétude. Coronas écrivain bourgeois narrant les affres de la solitude dans sa maison de campagne. Corobonaté être toujours d'accord avec les mesures gouvernementales. Se conjugue facilement, ex-je Corobonate Castané quand il dit que les gens qui ne respectent pas les mesures de confinement sont des imbéciles. Pâte Corobonata, nouvelle recette de pâte depuis 2020. Spécialité du nord de l'Italie. Coro-australien espèce protégée par les gestes barrières Coronazylon individu obsédé par les fautes de conon-orthographe perpétrées par les autres. Coronature espace libéré par l'exode urbain. Notion à tenir hermétiquement isolée de celle de Coroculture. Coronaturel, coronaturisme, coronavé ou coronanar le dernier film sur le disque dur, dont on sait qu'il est mauvais, mais qu'il n'y a plus rien d'autre. Coronarquoi pochette en tube ou le coronar chair range des coronaflèches. Indien de la ZAD, zone à déconfiner, qui ne s'en laisse pas compter. Voir aussi, corps ironique. Corona grane sauvage, de grande taille, refusant de céder aux injonctions sanitaires et se baladant dans la rue, les bras ballants. Coronanisme pratique lié au confinement solitaire, lui donner corps. Corona Bédo, exercice d'intérieur effectué dans un couloir en suivant les fiches transmises par WhatsApp aux ados par les professeurs de PS. Coronaldo multiplier les coronabedo. Faire son coronaldo. Anton. Messiphoner des binous. Corone. Les gonades dégoupillées. Coronarticle, NM Media, VI, vers 2020, synonyme de marronnier. C'était comme si rien d'autre ne méritait plus qu'on en parle. La presse s'en tenait résolument au coronarticle. L'hebdomadaire de référence, Point de vue Image du Monde, a même sous-titré pendant plusieurs mois, dans l'intimité confinée des têtes corona, collectif Albert Londres. Cornard virus ou Coronavie. Russe. Retour apprécié à l'État socialiste, nationalisation des banques, de l'alimentation et de la santé. En raccourci, Coronavie. Russe vs Vodka Supervie soviétique. Coronation Street Soap Opera ou Opéra Gel. Corona rien personne vulnérable, voire déjà bouché. Laissez tomber point coronasty injure géopolitique démondialisante, those fucking européens coronasty guys will never more hanté sound USA, tweet de Donald T. Par extension, personne indifférente aux gestes barrières, un salaud de bourgeois coronasty essentialiste m'a bousculé sur le trottoir alors même que je sortais les poubelles, bien conscient de l'absurdité de ce geste, Sartre. Coronalbatros vaste vaisseau du juste à temps mondialisé. Coronafidé sorte de yakuza peuplant les rues après le couvre-feu s'il y en a, les dépeuplant s'il n'y en a pas. Coronicon, NM. Se dit d'une hallucination fétichiste parfois entraînée par le confinement, lorsqu'il tourne à l'aigre-doux, voire au vinaigre. Sur la piste, dans la fumée épaisse, des coronicons verdâtres et verruques tournoyaient langoureusement, serrés contre des panais blafards. Le niveau d'excitation était au plus bas, ce qui ne m'empêcha pas d'arracher mon masque FFP2 pour mieux surveiller ce rassemblement suspect de jus de navet. Mandrika, le concombre masqué. Coronana, NF. Même type d'hallucination, plus holistique. Coronailleur au-delà d'un cercle de 1 km centré sur le domicile. L'herbe y est plus verte ou plus fleurie, ou plus parfumée, c'est selon Point Coromandel un de ces coronailleurs, alimenté de nostalgie post-coroniale. Ah, si nous avions gardé Madras et Pondichéry. Coromandel n'aurait pas été perdu pour tout le monde franchouillard. Avant de lâcher les coronies, anticipe toujours l'épidémie, Jean de La Fontaine, les fables, le cafard et les lacs de Coromandel. Coroboromé, il, un autre coronailleur. Rêve lacustre de confinement art déco. Il tira son transat sur la terrasse de l'hôtel. Il toussa, s'enroula dans son plaid, refit son nœud de cravate. Les coroboromés brillaient faiblement dans la brume du lac. Thomas Mann. Cory Mayer pratiquant d'un art suspect de la fuite, d'un mode de sublimation langagière. Coronique c'est lui, ou nous. Corps ironique de mon hypochondrie, il n'a pas fini de se jouer. Coronan le barbare virus gonflé aux hormones austro-californiennes aimant écraser ses ennemis et écouter les lamentations de leurs femmes. Confit canard variante régionale, SO, du confinement. Voir confidois.confidois variante régionale, SO, du confinement. Voir confit canard. Configurant personnes employées par les chaînes d'information afin de proférer des coronaffirmations sur un ton péremptoire. Confinance, confinance pour confinance, c'est moi que j'aime à travers vous. Confinotage https://www.youtube.com/watch.v=colpon4dm. Confinurer aménager à 20 mètres carrés à 4 pour une coop de 2 mois. Confiote personne au mental liquide et gélatineux ayant choisi de se surconfiner avant même les contraintes officielles. Confipote, à la tomate de Chine, ami de la nouille française. Elle-même, la nouille, ami donné. Confiné entrer en conflit sous la pression du confinement. Ces blaireaux se conflineront jusqu'au divorce, avant même le confinish, ricana-t-elle, en quittant l'appart, dépité. Du four. confiné libéré course cycliste au départ de Paris et à destination de la bouffe. Confinement expert et coach autoproclamé des meilleures façons de gérer des H24 chez soi sans sortir. Il appliquait à la lettre les conseils des confinementers, notamment le coronanisme dorsal, sans parvenir à dissiper ses angoisses. Où est le bec? Confinesse n'existe pas. Se confiner, c'est relou. Confinish deadline d'un confinement. Repousser le confinish ad vitam devenait un sport national, Clouetzer. Confinition dernier travaux d'aménagement du huis clos où vous allez croupir 3 mois. Confinitude didac. Le fait d'être bloqué, fini, borné. La confinitude est l'horizon ontologique de l'ordolibéralisme sanitaire, comité invisible. Confinois finlandais confiné en France par malchance. Paris XT. Le gratin confinois, qui désigne les personnalités issues de ce mouvement confini, parfois écrit en deux mots, isolé ou pas, il reste lui-même. Le confini est rarement une conne, ça se saurait. Et ça s'écrirait, calvo. Confinacé agir avec une finesse qui est proche de la déloyauté pour contourner le confinement, user de subterfuges pour fuir la ville. Le bourgeois parisien est maître et expert pour confinasser avec les règles, Begodo. Confinasserie coupable. Confin, TJRS au pluriel, lieu mythique où s'arrête le confinement. Confitness, ensemble d'exercices physiques à réaliser dans son salon, de préférence en pyjama. Confiture produit sucré qui peut se déguster seulement après un quart d'heure de confitness. Confinement odyssée du garde-barrière. Confinement traîne en longueur. Confiraffinement nous pend au nez. Confinement passage à la limite. Confirmement si limite dépassée. Confinement printemps dans les gouttières. Confoulement certains parcs, certaines plages. Conférément parlementaire. Confirmement présidentiel. Covid vide d'existence partagée par des millions de reclus. Est isolé. Est côte à côte. Le Covid de ces espèces confinées m'effraie, Luvent, Covid intérieur le fin mot sur, qui du même nom. C'est Ovid métamorphose. Les métamorphoses de Covid, saison 1, gratuit sur Corona Canal, à saisir, puis se laver les mains 4 minutes, au Norset Télé Coron, chanson prémonitoire de Pierre Bachelet qui avait anticipé le Coromba. Covid ébine de Paris vers les îles de l'Ouest, avant confinement covideur de boîte et de librairie, hélas. Armoire à glace en bas de chez toi qui te dit, sortir. Je crois que ça va pas être possible. Covid 21 procrastination du virus du petit Rhinolof. Covid 22 Macron annule la présidentielle et s'auto-prolonge jusqu'à nouvel ordre. Covid la nature, elle a horreur de quoi déjà, overcovidose à quand le télévirton, confiné en boîte production industrielle de confiné mort en confinement. Confipote, à la tomate de Chine, ami de la nouille française. Elle-même, la nouille, ami donné, conf conf ou conférence de confiné. Est. Nouvelle pratique de réunion des salariés. Est du tertiaire. Se dit aussi on se fait une bouffe en conf conf. C'est off tout, tout, tout sur le virus. Confinard style artistique découlant exclusivement du confinement. Deux écoles, celle de l'artiste créant pour les autres à travers les réseaux sociaux, les confinards.est, et celle des confinarté.est où artistes et public sont la même personne. Distanciation sociale, unité d'usure des manières. Détestation sociale, unité de mesure des barrières. Discorona genre musical qui fout les boules. Corona Boot Studio de confinement pour Starlet Production Cinématique. Corinna Vorus avatar maladroit de m'assure sur Insta. Coronage libre à sec, habillé, couché sur un tabouret, voire aussi Corona Bene. Coronage synchronisé tous les soirs à 20h, sur vos meilleurs balcons. Confinage crawl les disciplines sportives en baignoire. À plat d'os. Confinage papillon discipline sportive en baignoire. Beaucoup plus dangereuse que le crawler du fait qu'elle nécessite un plongeon. CoronaVoix sans grave bu l'instrument de mesure relativement plus précis que les réseaux corona sociaux. Emmanuel Macoronavirus, ancien président reconverti en animateur de camping en marche, état d'activité recommandé pour les dispositifs électroniques. La seule autre option acceptable est en veille. Effet de manche se dit d'une déclaration gouvernementale faite à visage dissimulé. Signe. Ne pas se moucher du coude. Dab de daron. EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées décédées. Signe. Covidoir. Jeu de société divertissement en confinement, continuation de la guerre sous une autre forme. Monopoly, Trivial Pursuit, pandémie. Coronartung. Attention méchant virus. Allemand, Coronacht, und Nebel, virus nuit et brouillard, allemand. Ma Corona chanson et chorégraphie de balcon pour buveur de bière fade. Cri de hantise d'un président français récemment décédé. Macron démission. Pas de basket, motif suffisant et nécessaire pour se faire vider de dehors. J'avais dit pas de basket, un flic. Confinor, moderne, le rêve américain à la portée de tous les crédits, un pavillon, une niche, deux voitures et surtout une pelouse Batman, tout est de sa faute en fait. Coronaba NM1, pour ceux qui considèrent le vivant avec acuité, le foie, le cœur, les rognons, les pieds, la tête, etc. du virus. À déguster avec modération, toxines et acides uriques s'y accumulent. Tout est de leur faute, en fait. 2. Mammifères volants, diffuseurs de miasmes, proliférant dans les mégalopoles. Coronabattement NM, anticorps dans les artères de la mégalopole, terreur des coronafidés. Veni Covidivici Hitag au fronton de Wall Street après la chute finale du Dow Jones, le 4 juillet 2020. Point Corona Naner, groupe de virus non encore humanisé. Covid grenier, opération qui permet de sortir dans la rue les objets du confinement que l'on ne peut plus voir. Coronarnaque, annonce gouvernementale qui maintient des élections Covid. Corocodile, animal dangereux potentiellement responsable de la diffusion du virus. Ou alors juste un mot mal prononcé par un enfant. Covidéaste, toi, moi, tout le monde maintenant. Covid danger pour les grosses huiles des places boursières. Covni, hallucination quand on reste trop longtemps allongé sur son lit. Coronarticle, NM Media, vieilli, vers 2020, synonyme de marronnier. C'était comme si rien d'autre ne méritait plus qu'on en parle. La presse s'en tenait résolument au coronarticle. Coronaccélérateur de particules réglementaires, un instrument simple et efficace pour davantage asservir les pauvres à servir les riches. Hydroxychloroquine, remède plus difficile à prononcer qu'à avaler. Anton. Mort certaine. Raoult, plus haut niveau de l'unité de bruit médiatique. Faire un Raoult. Remerde, remède sans accent mais avec un peu d'air. Service d'aide médicale d'urgence, oui, SAMU. Aussi. Pangolin, 1, ANM. Mammifère écailleux, fourmilier, la start-up qu'en fera un doudou, elle est pas encore née. Devenue à son corps braconné défendant synonyme de court-thermie, S, 2, bout de feu, irresponsable. Ils se sont trop longtemps pris pour des léants managers, c'est Pengolins qui nous gouverne, l'ordine, la vengeance du Pengolin, célèbre mélo-collapse aux fictions hollywoodiennes d'avant la Grande Déglace, voire Baptiste Morisot, le mythe de la vengeance de la nature renforce le dualisme spéciste in minimalia écologique à eux, septembre 2030. Gel hydroalcoolique, la chloroquine d'une industrie sucrière en détresse respiratoire. Désinfectant le mec, on lui avait dit, tu passes ta télé au gel, et hop, BFM TV, désinfecté, éradiqué. Alors le mec, il est descendu à la pharmacie mais là on lui a dit, plus de gel, en gel. Le mec il s'appelait Arthur, il s'est même pas marré, il avait pas compris, Coluche. Covidio, personne qui touche à tout. Covidioti, lame de fond qui va scier la branche du capitalisme. Patient zéro, ses mérites sont à réévaluer. Malgré son qualificatif, il est terriblement efficace. Ne pas confondre avec Patient Héros, fan de Game of Thrones attendant que G.R.R. Martin finisse enfin d'écrire son bouquin. Patient 7 550 263 500. Il s'agit en fait de G.R.R. Martin himself, seul individu à n'être toujours pas déconfiné pour finir d'écrire Game of Thrones. Coropier, ce symptôme humoristique n'a pas encore décrit comme une conséquence de la pandémie mondiale en compagnie, URS. Masque en rade, NM, opacité dans les règles de répartition de la pénurie. Coronarien, pression artérielle, exercée dans les grandes artères. Prolongation du confinement, embûche dans la quête des confins. Covid se dit d'une bouteille une fois qu'eau remplie, merci Jupidemie. Diffusion virale par rapport à ce qu'on désignait comme ça avant, on voit bien maintenant que des marges de progrès existent. Prenez bien soin de vos formules de politesse, bas de courriel et de plafond, passe-partout, ayant chassé ou à peu près le, bien à vous, tout aussi terne. On a le droit de s'enlacer? Suggestion alternative. D'abord dans une certaine continuité qui pourtant a laissé place à la personnalisation attestée, amicalement et prudence. Mais on peut aussi avoir envie de ce Covid évadé australien, vaste le coro, vaste ses guerrières barrières, à nous le charbon. Polisson, bise dans tes coudes. Acadien, j'entends le loup, le renard et la belette, dans un moment je m'en irai. Bis, Lorrain, ce n'est pas pour toujours, Droupien, you know what. LL Bigone, anglo-lyonnais régressif. Idem ci-dessus, blanchâtre, c'est parti d'en rire. Développé durable, on met les biogaz. Décroissant, comme la lune, c'est pas tout, ça. C'est le moment de s'aimer les petits pois. Municipal, un PTI tour et puis s'en vont. Soyeux, tordant. Je file. Interstellaire, vers l'inédit, jusqu'aux confins. Toy Story, Solon and Beyond. Oxymorique, salut, je me casse, on lâche rien. Déférant, je reste à votre disposition distancié. Déféré, audience renvoyée Cindy, maître. Après avoir reçu ce genre de message, Alexandre Descomi, le déféré de l'ARN, dont son propre fils ADJ obtint condamnation en référé et en comparution immédiate pour lèse-réalité et ringardise. Espérant, à demain, plus vibrant, moins abusé. Désabusé, profite. Demain sera flux tendu, as usual. Pontifiant, je t'ai compris, ô animal vocationnel. Ostracisant, Covid, coturne. Cobaye, mirliton long. Vanicorona, branche polynésienne du virus. Coronaction, débauche de mesures prises par les gouvernements dont l'efficacité reste à prouver. Coronactionaria caste qui semble prendre cet épisode comme une drôle de case pandémie sur le monopoly de la vie. Course au réarmement artistique massif, le canon du coro. Syndrome de l'overlook, personne prise de démence souhaitant assassiner sa famille suite à confinement. Ou bien est-ce un dérèglement temporel? Bise avec les coups de putain, oh ça fait mal, récif. Coronalien, lieu en danger d'extinction gardé par les poissons, chirurgiens. Blanchissement coronalien quand tout le monde se met à porter des blouses blanches et des masques. Coronarian, mec immunisé contre les virus, surtout chinois. Coronaraignée, place des leurs sur la toile. Coronavalanche, épisode sans intérêt, toutes les stations étant fermées. Geoffroy Roux de Bézieux, le, espèce de sapien particulièrement belliqueuse envers sa propre espèce. Provoque des inflammations cutanées quand on la voit, rarement. Habitat, hors sol. Point déconfinement quand on décovide le film à l'envers. Déconfinement, qu'est-ce qu'on libère ? Déconafini, individu déconfiné qui croit que le déconfinement est la fin du confinement. T'es pas sortable. En ce moment, on ne saurait trop le dire. Coronambert, cinéaste mutant Covid-héros, certains sont plus applaudis que d'autres. Covid-12 ou rire signale les Covid-héros, notamment au royaume du Danemark. Confouinement Bricorona, magasin de Bricovid-19. Coronavolution, événement majeur de l'automne 2020 survenu suite à une dépressurisation sociale d'ampleur nationale. C'était une sélection radio parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.